Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger. On est toujours ensemble de 21h à 23h le dimanche soir, via les ondes du 93.6, en fait on s'est dit que ce serait important de vous le préciser. Écoute, en ligne, via Radio Béton, le site internet, hein, il y a le petit player, bon faut chercher un peu, il est dans le menu. La diff est plutôt bonne depuis quelques semaines. Donc bah voilà, en fait, si jamais vous pouvez pas nous écouter en hertzien, pensez à nous écouter en numérique, et toujours disponible lundi soir sur notre petit blog. Voilà, Hellbanger Radio Show sur Blogspot. Facile à trouver. Voilà, bienvenue pour cette nouvelle émission. La première du mois de mars 2021 avec une douce pluie de nouveautés, puisqu'on retrouve quelques mastodontes en termes de nouveautés. Hein. Hey at God, Last Day of Humanity, Vector, le retour du Trash Tech, on va y arriver, Trash Tech américain. Et puis des trucs un peu plus underground, Forest, pour les fans Blue House Nord. On retrouve également du Suffering Hour pour du death metal atypique. Enfin voilà, 10 nouveautés qui seront clairsemées tout au long de cette nouvelle émission. Bienvenue donc, et on va entamer tout de suite avec la première doublette et déjà une première nouveauté. Les Ricains de Vector Transmission, important remaniement de line-up. A noter que du coup leur alter ego sur ce split Cryptosis sort un album à la fin du mois de mars. Bien sûr, on ne manquera pas de vous le diffuser. Vector, qu'est-ce qu'on peut en dire suite du coup à ce troisième album qui était sorti en 2016, hein, des mouvements de line-up, 5 ans sans rien sortir. Donc au niveau des titres qu'ils proposent, le premier des morceaux, on est sur du trash plutôt classique, trash typique années 80 Bay Area, voilà, c'est mortellement efficace, hein, avec quelques relents plutôt modernes façon Havoc et Warbringer. Et le deuxième extrait, on est vachement plus sur une proposition prog et mélodique, assez d'inspiration Voivode d'ailleurs. Qu'est-ce qui faisait également la patte de Vector ? Et bien tout simplement la voix de David Di Santo, le vocaliste, qui avait des parties aiguës, limite criardes et bien furieuses. Voilà, il a laissé ça de côté, probablement à l'usure, hein, parce que c'était vachement physique d'aller puiser dans ce registre vocal-là. Donc voilà, on est vraiment sur un chant également plus trash années 80. Ça reste toujours hyper intense et tech et recherché, et hyper riche la musique de Vector. Donc voilà, c'est. Par rapport aux autres formations trash à l'heure actuelle, on est dans le haut du panier. Cependant, on est loin des meilleurs titres que Vector a pu nous composer. Voilà, il y a un doublet d'ouverture avec les Ricains de Vector. On retrouve les Néerlandais de Corpse avec un extrait de leur troisième album studio Unsufferable Violence, une sortie Unique Leader Records. Clairement, pour moi, ce nouvel album peine à convaincre. Il y a un truc qui me dérange, la prod est beaucoup trop lisse. Le chant est également à moitié asthmatique, façon Acranius. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui me gêne pour le moment, j'arrive pas à vraiment me foutre dedans. Les compos sont qualitatives, mais il y a un truc qui ne rend pas du tout hommage à ce troisième album de Corpse. Reste à voir si ça reste, et je l'espère, toujours la même machine de guerre en live. Vector, donc pour ouvrir l'émission d'aujourd'hui, le titre Activate, extrait du split Transmission of Chaos, et dans la foulée Corpse avec le titre Disposable Underrigid Objects. C'est parti et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. He's saying that he's responsible for the death of at least 400 young girls. Doublette suivante, pas grand chose à présenter puisqu'on va d'abord s'écouter Enardier, la formation de Black Folk qui sort un nouvel album sobrement intitulé North Star, déjà dispo chez Napalm The Record, et en doublette avec Enardier, Evergrey, le groupe de Heavy Prog, Escape of the Phoenix, c'est le nom de leur nouvel album studio. Alors on a déjà largement présenté ces deux formations les semaines passées. On va s'écouter Echoes in Blood, signé Enardier, et Leaden Scent, nouvel extrait de l'album de Evergrey. C'est parti. I'm Doublette suivante, eh bien, on va encore s'envoyer de la nouveauté, puisqu'on a Baest, formation death européenne. Necro Sapiens, c'est le nom déjà de leur cinquième album studio, troisième album studio en 5 ans. Voilà, c'est les bons chiffres, dans le bon ordre, c'est mieux. Baest, voilà, toute jeune formation, hein, 2015. Et voilà, déjà le troisième album studio intitulé Necro Sapiens, c'est une formation de death qui nous vient du Danemark. Voilà, c'est toujours aussi cool, c'est efficace. À noter que le line-up n'a toujours pas bougé. Voilà, vu la productivité du groupe et les chouettes tournées qui s'enchaînent. Enfin, qui s'enchaînaient, pardon. Et en doublette avec Baest, un groupe qu'on s'est déjà diffusé les semaines passées, Kjeld, qui sort son nouvel album Hofstan. Kjeld, alors attendez, est-ce que j'ai perdu sur ma petite note le label, voilà, la formation Black qui nous vient de Hollande. Bah voilà, c'est pareil, on en a déjà parlé la semaine passée, donc rien de plus à ajouter. Place à la musique. Baest avec le titre Mythhook Massacre et Kjeld, le morceau Die Insenu Widner. C'est parti. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6 ou tout simplement via le player numérique sur le site internet de Radio Béton. Et le lundi en fin de journée, disponible via notre petit blog Elbanger Radio Show Blogspot. On continue la diff avec la doublette à venir. Imperium, voilà, c'est une autre nouveauté pour ce soir. Un groupe assez culte et unique en son genre. Assez grossièrement, on pourrait qualifier la formation de Blackned Doomfolk. Voilà, duo allemand actif depuis plus de 20 ans. Noter un très court split entre 2006 et 2010. Voilà, c'est très très riche en termes de genre et influence. Une musique très atmosphérique, plutôt mélancolique, lancinante. On retrouve dans la musique d'Imperium, au niveau des parties vocales, deux types de voix. Un type black metal assuré par le fondateur du groupe, Markus Stock, également membre et fondateur de The Vision Bleak. Et l'autre Zikos de Imperium qui s'occupe des parties clavier, arrangements, piano, etc. Lui carrément dans un registre vocal classique, à la sauce opéra. Pour une petite anecdote enrichissante, voilà, il est notamment choriste au sein du Bayerische Staatsoper, donc voilà, un opéra munichois, considéré comme l'un des plus prestigieux du monde. Donc voilà, les mecs ont un sacré bagage en termes de capacité musicale et vocale. Voilà, sixième album pour Imperium en une vingtaine d'années d'existence. Le dernier album date de 2014, déjà 7 ans. Voilà, un petit peu dans la veine d'un sourd ostrou en termes d'originalité. On est sur du metal extrême qui sort un peu du lot dans la programmation. Et bah voilà, c'est toujours appréciable. Bon, on est assez loin d'un N mineur, hein, comme le précise Sylvain dans les petites notes. Mais bon, voilà, c'est intéressant d'ouvrir et d'enrichir la diff à ces formations-là. Voilà, en doublette avec Imperium, on va s'écouter A Blaze My Sorrow, pur mélodique suédois, death mélodique suédois, Among Ashes and Monolith, le nom de leur nouvel effort studio. Tout d'abord, Imperium, Huber and Sternen, sixième album studio, on va s'écouter le titre Lucid Tower, Beacons of the Hills. Et dans la foulée, Non-Existence, extrait du nouvel album de A Blaze My Sorrow. Et on s'envoie ça tout de suite. We'll be right back. suite, on se rapproche tout doucement de l'aspect française avec une glissade d'un pays frontalier, Anne, formation black metal qui nous vient de Suisse, une sortie Northern Silence Production, nouvel effort studio Breathing the Void. Anne sort là sa deuxième sortie studio longue durée. La formation, on l'a déjà présentée ces dernières semaines. Et en doublon avec Anne dans la foulée, donc on s'écoutera Junon, nouveau nom du groupe anciennement appelé General Lee. On est sur un post-hardcore dans la veine de ce que proposait un Cult of Luna. The Shadow Lethan, c'est le nom de leur nouvelle EP. Anne, on va s'écouter le morceau Gottman, et Junon, le titre Sorcerer, tout de suite. Junon nous a fait rentrer dans l'espèce française, on peut dérouler maintenant tranquillou, avec pour la doublette suivante, The Scalar Process, groupe de tech death français. Coagulative Matter, c'est le nom de leur premier effort studio. Et en doublon avec eux, une autre nouveauté française, Far East, comme annoncé en début d'émission. Projet personnel d'une des deux têtes pensantes de Blue House Nord, Vince Vall pour être plus précis. Forest, voilà, premier album éponyme. C'est présenté par le label des Bémur Morty comme du purely raw, intimate and poetic black metal, largement inspiré par la scène black metal norvégienne des années 90, ce qui nous offre un BM assez classique, qui dégouline un petit peu de nostalgie, hein, avec un excellent équilibre entre les riffs sauvages et les leads un peu plus mélodiques, mais vraiment d'inspiration norvégienne, avec toujours ces ambiances très mystiques. Voilà, on peut même noter quelques petites nappes de synthé, des notes acoustiques. Voilà donc toutes les précisions apportées par le label. A noter que les titres n'ont pas de nom, juste des chiffres romains. Donc voilà, ce sera sobrement la piste numéro 6 pour aujourd'hui. Donc voilà, Forest, le titre 6, extrait du premier album éponyme Forest, une sortie des Bémur Morty Production. Scalar Process, juste avant, on s'écoutera le titre Ink Shadow.